Leçon 4. Pages 40 et 41. Activité 2. 3 et 4. Tu aimes le français ? Bien sûr, j'aime le français. Le prof est sympa. Et les maths ? Oui et non, je n'aime pas les chiffres. Et toi ? Tu aimes quoi ? Moi, j'aime bien les arts et la géographie.